une histoire particulière. Coltès et le tragique Roberto Succo. C'était l'histoire particulière d'hier, racontée par Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. Un écrivain face à un assassin, un couple qui ne s'est jamais réellement formé dans la réalité, mais qui a donné lieu à une œuvre littéraire majeure, Roberto Succo, de Bernard-Marie Coltès. Un texte troublant qui renouvelle notre regard sur la figure fascinante du meurtrier comme sur celle du désir de l'écrivain soumis à l'influence de son modèle. Aujourd'hui, nous quittons le fantasme de la rencontre sublime pour Coltès pour une passion pour le vertige de la folie. Tout de suite, le second épisode, autre écrivain, autre meurtrier, autre fascination. De quoi s'agit-il ? D'un crime. Le 8 avril 1949, on découvre en France, dans un wagon de marchandises, un morceau de corps humain. Dans les jours qui suivent en France et ailleurs, dans d'autres trains de marchandises, on continue à découvrir d'autres morceaux de ce même corps. Puis ça s'arrête. Une seule chose manque, la tête. Alors les viaducs de Seine-et-Oise, je crois que c'est inspiré par un fait divers, non ? Oui. Qui est un fait divers authentique, enfin, qui vous a... Vous avez lu un fait divers dans les journaux, non ? On m'a raconté ce fait divers, oui. Grâce à ce qu'on appelle le recoupement ferroviaire, l'enquête permet de découvrir que tous les trains qui ont transporté les morceaux de ce corps sont passés, quelle que soit leur destination, par un même point, à savoir sous le pont de la montagne pavée à Viorne, circonscription de Corbeil. Un crime qui ne rime à rien. Dès qu'elle se trouve en face de la police, Claire Lanne avoue son crime. Elle dit avoir assassiné sa cousine Marie-Thérèse Bousquet, sourde et muette. Malgré son évidente bonne volonté tout au long du procès, Claire Lanne n'a jamais réussi à donner d'explication à ce crime. Astre noir, deuxième partie. Marguerite Duras et la folie d'Amélie Rabilloux. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. Georges et Amélie Rabilloux ont bien existé. Un couple anonyme, fantasmé mais bien réel, qui demeura rue de la Paix, près du viaduc dit de la Montagne Pavée à Savigny-sur-Orge. Dans les archives départementales de la Seine-et-Oise, on retrouve des traces de ce couple fantôme, dont les doubles littéraires ont été baptisés par Marguerite Duras, Marcel et Claire Ragon ou Pierre et Claire Lanne. Marguerite Duras et Claude Régis, 1963. Je pense que Claude peut vous raconter. Je raconte très mal. Claude Régis. Voilà, le fait divers est le suivant. Il s'agit d'un couple de retraités de la SNCF vivant dans un pavillon en Seine-et-Oise et qui ont très paisiblement vécu, estimé de tous leurs voisins, jusqu'à l'âge de 65 ans, où brusquement cette femme a assassiné son mari. Et elle l'a coupé en morceaux. Ça se fait beaucoup, ça se fait depuis très longtemps. Georges Rabilloux est mort le matin du 13 décembre 1949. Les archives de la station météorologique d'Orly indiquent qu'il faisait moins 2 degrés à 8 heures du matin, heure à laquelle sa femme Amélie lui assène plusieurs coups de marteau dits de maçon, destinés à équarrir les bûches. Georges est alors en train de lire l'édition du jour de la Marseillaise de Seine-et-Oise. Il est un ancien sous-officier qui a achevé sa carrière militaire avec le grade d'adjudant avant d'entrer au chemin de fer. D'Amélie, il ne nous reste rien. Il est dit qu'elle est somnambule depuis l'enfance et sujette à des crises d'amnésie. Georges et Amélie vont vivre ensemble durant 30 ans, jusqu'à ce jour fatal du 13 décembre 1949, et quelques jours de plus, puisqu'Amélie Rabilloux va passer les fêtes avec les différentes parties du corps de son époux. Quel est ce fait divers dont va s'inspirer Marguerite Duras, Arnaud Rickner? Alors au départ, il y a le crime commis par Amélie Rabilloux en décembre 49, qui assassine son mari. Et ce qui fascine tout le monde à l'époque, et ce qui va fasciner bien sûr Duras, c'est le fait qu'elle découpe le corps en morceaux. Et j'ai retrouvé dans la presse, il y avait 67 morceaux. Donc on imagine cette sorte de folie hallucinée qui fait qu'on va découper un corps comme ça en petites parties. Et puis Duras, donc, tout d'un coup, tombe, j'ai envie de dire, sous le charme, parce que c'est une sorte de, vraiment de charme, de fascination de ce crime incompréhensible. Et non seulement le crime, et ce qui a suivi le crime. Et ça, c'est exactement le côté obscur de l'humanité qui l'intéresse. Tout ce qu'on ne comprend pas est beaucoup plus intéressant, finalement, que tout ce qu'on comprend trop bien. Voilà le fait divers qui a servi de point de départ à Marguerite Duras, mais c'est un auteur dramatique, par conséquent, elle l'a fait dévier pour en faire une œuvre personnelle. Et je pense que maintenant, c'est elle qui va vous dire dans quel sens elle l'a orientée. Je suppose qu'une partie du macabre a dû disparaître, car c'est un sujet qui paraît loin de vous, à premier abord, non ? Je ne sais pas. Le découpage en morceaux, évidemment, on ne le voit pas dans la pièce. Enfin, il y a une sorte de radicalisme en général vis-à-vis des criminels qui fait qu'ils sont coupés de toute possibilité de se raconter, qui m'a toujours frappée, enfin. Et cette femme en particulier, qui n'a jamais pu dire un mot là-dessus, m'a conduite à faire ça. Mais est-ce qu'elle parle dans la pièce ? Elle parle, oui. Mais d'autres choses. D'autres choses. Le fait divers, Duras s'en inspire de façon quand même très libre. Hein. Il y a un très grand nombre de transpositions. Marie-Hélène Boblet. Donc la première étape, ce sont les viaducs de la Seine-et-Oise, en 60, pour le texte. Puis la Mante anglaise, puis le théâtre de la Mante anglaise. Donc il me semble que ce qui l'intéresse, c'est le crime et le passage à l'acte criminel. Cette sorte de démesure dionysiaque qu'il peut y avoir dans le passage à l'acte criminel. Et d'autre part, cette zone de folie qu'elle appréhende souvent comme une forme aiguë de clairvoyance. D'irrationalité, mais d'irrationalité clairvoyante, malgré tout. Et ce qui fait que le personnage du fou ou du criminel l'intéresse comme incarnant cette forme de clairvoyance. Et en la circonstance, donc, la malheureuse Amélie Rabilloux, qui a tué son mari, qui lui rendait, ça c'est ce qu'elle a dit au procès, la vie impossible, fait une sorte de geste simplement, vitaliste, qu'elle n'est pas capable d'expliquer pendant le procès aux assises, autrement que de cette façon-là, il me rendait la vie impossible. Un juré demande à Amélie Rabilloux : comment avez-vous dormi tous les jours qui ont suivi le meurtre de votre époux ? « Je n'ai pas dormi, » répond-elle de sa voix blanche, l'œil vaguement effaré. « J'ai dû prendre du gardénal. » Le procès se déroule au dernier jour du mois de février 1952 à la cour d'appel de Seine-et-Oise, à Versailles. Le 1er mars 1952, Jean-Marc Théoler écrit dans Le Monde. Sous la morne lumière de la salle des assises de Versailles, Amélie Rabilloux vient d'entrer. Elle n'a rien pour elle que son insignifiance. Tout est médiocre, pauvre, ingrat. Les cheveux au teint de cendre, le regard passif sous des paupières épaisses, la joue sans relief et sous la paupière jaunâtre, contre l'oreille, ce muscle qui, périodiquement, se contracte comme un tic. Dès l'entrée, on devine que cette accusée sera maladroite, qu'elle ne saura pas répondre, que sous ce crâne affolé, une seule idée simpliste doit tournoyer. Car ce que l'on reproche à Amélie Rabilloux, ce que l'on voudrait comprendre dans son crime, ce n'est pas tant l'assassinat de son mari, mais le fait qu'elle ait ensuite dépecé le cadavre et soit allée en égarer les morceaux dans les égouts et les terrains vagues de Savigny-sur-Orge. Mais cela, elle est bien incapable de l'expliquer clairement. Les proches du couple sont incrédules. L'un des témoins rapporte « Elle, qui était incapable de découper une volaille. » Alors en 1960, elle publie la première pièce inspirée de ce fait divers, « Les viaducs de la Seine-et-Oise », Arnaud Reckner. Oui, c'est une pièce qui, d'une certaine manière, a encore une facture relativement classique. Et c'est pour ça que c'est passionnant de voir à la fois l'émergence de cette première pièce et la façon dont elle va se transformer au fil de l'œuvre de Duras pour arriver à cette œuvre absolument capitale qui est La Mante anglaise. Les viaducs de la Seine-et-Oise, c'est encore une pièce, disons, où il y a du dialogue, il y a une forme de dialogue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a modifié un petit peu le crime. En tout cas, c'est l'interprétation qui me semble la plus probable, puisque dans les viaducs de la Seine-et-Oise, c'est le mari René, en quelque sorte, et il devient, avec sa femme, le criminel qui a assassiné la cousine du couple. Et cela permet finalement d'obtenir un échange entre le mari et la femme. Et donc dans l'échange entre les deux personnages, ce sont les silences entre les deux qui sont les plus intéressants. Et du coup, à partir de cette première version, qui est encore un peu traditionnelle, on va dire, Duras, qui n'était pas du tout satisfaite justement de ce fonctionnement un peu trop linéaire, va complètement déconstruire son œuvre, et c'est là que va apparaître cette sorte d'ovni théâtral qu'est la Mante anglaise. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a dit de moi, mon mari ? Ah, plutôt du bien, il a dit que vous aviez changé depuis quelque temps, que vous parliez très peu. Un jour, vous lui avez dit que Marie-Thérèse Bousquet ressemblait à une bête. J'ai dit un petit bœuf. Si vous croyez que c'est parce que je l'ai dit que je l'ai tué, vous vous trompez, je l'aurais su. Comment ? Au moment où le juge m'en a parlé. Vous n'avez pas rêvé une fois que vous étiez une autre personne ? Mais non. J'ai rêvé ce que j'ai fait, mais très longtemps avant, je l'ai dit à mon mari. Il m'a dit que ça lui était arrivé aussi, que tout le monde rêvait de crime. Ce qui m'avait frappé, c'est que, surtout, c'était le fait que la femme ne s'est jamais expliquée sur la chose. Marguerite Duras, 1963. Il y a eu des efforts de la justice et d'elle-même, enfin, pour essayer de lui faire dire pourquoi elle avait fait ça. Et elle était de très bonne foi, elle n'a jamais su l'expliquer. Oui. Alors cette fois-ci, c'est un couple, évidemment, dans ma pièce. Seule, elle n'aurait pas pu encore moins s'expliquer. C'est un couple qui tue une tierce personne, une cousine germaine, sourde et muette, qui plus est. Alors Duras a beaucoup transformé. Ah oui, totalement. Là. Puisque le mari est vivant, et c'est la cousine sourde et muette qui a été tuée par la femme. Et donc il y a un interrogateur, enfin Marguerite Duras, un interrogateur qui cherche à comprendre et qui interroge le mari. Parce qu'il n'y a pas de raison apparente. Il n'y a pas de raison apparente. Il n'y avait pas de conflit entre le mari et la femme. Il n'y avait pas de conflit entre la cousine sourde et muette qui faisait la cuisine. C'est le l'ennui ménage ordinaire, dans la maison. Finalement. On se rend compte que l'égoïsme de son mari a condamné cette femme au silence. Et d'une certaine manière aussi la surdité, c'est-à-dire qu'il n'écoutait plus personne n'écoutait ce qu'elle avait à dire. Alors elle a commencé à écrire des lettres aux journaux comme ça, juste pour parler. Puis petit à petit, elle s'est murée dans le silence. Et finalement, un jour, sans l'avoir du tout prévu, prémédité, elle a tué le silence et la surdité, c'est-à-dire sa cousine Marie-Thérèse, c'est-à-dire son mari. Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez tué ? Je ne dirais pas ça, voyez. Et qu'est-ce que vous diriez ? Ça dépend de la question. On ne vous a jamais posé la bonne question sur le crime ? Non, si on me l'avait posée, j'aurais répondu. Vous ne cherchez pas vous-même cette bonne question ? Si, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne cherche pas beaucoup. Ils m'ont fait défiler des questions et je n'en ai reconnu aucune au passage. Aucune ? Aucune. Il demande, est-ce que c'est parce qu'elle est sourde et muette qu'elle vous tape sur les nerfs, ou bien est-ce que vous êtes jalouse de votre mari, ou bien est-ce que vous vous ennuyez ? Vous, au moins, vous n'avez rien demandé de pareil. Mais qu'est-ce qu'elles ont de faux, ces questions ? Elles sont séparées. La bonne question comprendrait toutes ces questions et d'autres encore. Peut-être. En 63, il y a le ravissement de l'Holstein. En 66, il y aura le vice-consul, qui sont des personnages déraisonnables, justement. Donc la folie continue, ou en tout cas la déraison, une forme de délire continue à la passionner. Et peut-être la Mante anglaise est-il justement l'aboutissement non seulement des viaducs de la Seine-et-Oise, mais aussi de ses œuvres, qui sont des romans ou des récits enfin, des années 60. Dans la Mante anglaise, elle invente ce personnage de l'interrogateur. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de comprendre face à face, ce qui était le cas dans le premier acte des viaducs, mari et femme face à face, ce qu'ils ont commis, là, c'est d'abord, il n'y a plus qu'un seul responsable, hein, c'est clair. Et puis, il y a ce personnage qui est totalement symbolique, qui incarne la volonté de comprendre, donc au sens, encore une fois, élargi du terme, sans juger, ni réduire à une explication univoque, ce qui a pu conduire Claire Lane à commettre ce crime et aussi à comprendre pour elle-même. Et au fond, il incarne vraiment un questionneur désintéressé et une puissance d'écoute qui est, je dirais, la puissance d'écoute qu'on peut attribuer au psychanalyste. Donc le personnage de l'interrogateur est vraiment une trouvaille extraordinaire. Évidemment, il n'existe pas du tout dans le fait divers, donc ça, c'est vraiment du racien. La tête, dont elle a pris soin de couper les oreilles car elle ne passait pas par la bouche d'égout, nous précise une dépêche de l'AFP, Amélie la jette par-dessus le mur d'un parc à l'abandon. Le 30 décembre 1949, un ramasseur de bois mort la découvre au lieu-dit le château, commune de Savigny. Une femme de 80 ans, que l'on surnomme ici « va toujours », écrit au commissaire Denis, en charge de l'enquête, et lui affirme que l'on a retrouvé un pied dans un wagon en gare de Juvisy. Le 7 janvier 1950, une nouvelle lettre anonyme signale l'étrange disparition de Georges Rabillou. La police ne tarde pas à frapper rue de la Paix, où Amélie déclare que son mari est parti avec leurs économies. On lui montre alors la tête de son époux, retrouvée dans le parc du château, qu'elle fait mine de ne pas reconnaître. Mais plusieurs Savigniens confirment qu'il s'agit bien de Georges Rabillou. Le commissaire Denis perquisitionne alors le domicile conjugal et découvre des traces de sang mal lavé. Un mois après son forfait, Amélie Rabillou passe aux aveux. J'ai tout dit, sauf pour la tête. Quand j'aurais dit où est la tête, j'aurais tout dit. Quand le direz-vous ? Je ne sais pas. Pour la tête, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai eu du mal. Encore plus que pour le reste. Je ne sais pas si je dirais où est la tête. Pourquoi pas ? Pourquoi ? Ce n'est que lorsque la tête sera retrouvée qu'on sera tout à fait sûr que c'est bien elle qui a été tuée. Avec seulement ses mains retrouvées, ce serait suffisant, on les reconnaît. Demandez à mon mari. Sans dire où vous l'avez cachée, pouvez-vous dire quand vous l'avez cachée ? Je me suis occupée de la tête en dernier, une nuit, quand tout a été fini. J'avais cherché très longtemps quoi en faire, je ne trouvais pas. Le petit fil rouge de cette histoire, c'est la question de savoir aussi où a été déposée, enterrée, cachée la tête de la femme assassinée, de la cousine assassinée. Arnaud Rickner. Sachant que il y a comme une pièce de puzzle manquant. Et l'interrogateur essaye aussi de savoir éventuellement où est cette tête qui permettrait de poser la dernière pièce du puzzle. Tous les autres morceaux ayant été jetés du haut d'un pont dans des trains qui passaient. Et donc on a pu, c'est un petit peu aussi l'ironie de l'histoire, on a pu recouper les éléments de ce personnage, découper en tant de morceaux, et retrouver l'endroit d'où tous les morceaux avaient été jetés. Et de là, de fil en aiguille, retrouver la criminelle. Je dis d'ailleurs de fil en aiguille, c'est aussi, quand on file ce genre de métaphore, on essaye de recoudre ce qui a été décousu, mais à aucun moment, ça n'intéresse vraiment Duras de recoudre. Elle, ce qui l'intéresse, ce sont les morceaux épars, et justement, c'est le découpage, et le fait que chaque fragment est en soi une énigme. Et au bout du compte, on n'aura absolument pas de puzzle reconstitué qui permettrait de comprendre tout à fait le crime. On n'aura pas la tête, donc on n'aura malgré tout que des morceaux. Et là aussi, je crois que c'est assez symptomatique du travail qu'elle fait. Mettre en morceaux nos représentations. Et c'est dans cet endroit où la représentation vole en éclats, qu'on peut appeler aussi la folie, la difficulté à avoir des représentations qui sont solides et solidifiées, constituées correctement, c'est cet endroit-là qui est le plus vivant, encore une fois. Les viaducs, en fait, sont... en quelque sorte s'imposent à elle. Elle dit qu'elle n'est pas allée vers le théâtre, que c'est le théâtre qui est venu à elle, puisque c'est sa première pièce écrite pour le théâtre. Le Square a été adapté, mais elle l'avait publié comme roman. Marie-Hélène Boblet. Et donc, elle s'intéresse aux personnages et aux criminels en tant qu'ils sont annihilés par leurs conditions, d'une certaine façon. Et que tout d'un coup, la folie leur paraît presque, en tout cas à la femme, parce que c'est plutôt elle qui pense, dans le texte, hein, paraît presque être d'avoir supporté cet anéantissement pendant toute une vie. Et sortir de la folie, ce serait presque penser ce crime, finalement. Le penser comme le geste par lequel un individu manifeste qu'il ne peut plus supporter ce qu'il a supporté jusque-là. D'ailleurs, elle parle, au moment du Square, elle parle de l'oppression du silence hein, qui pèse sur les, justement, sur ces gens de rien qui sont dans le Square une bonne et à tout faire, et puis un représentant de commerce. Et c'est cette même oppression du silence, me semble-t-il, dont les Ragons essaient de sortir en imaginant qu'en fait ils vont commencer à exister, qu'on va parler d'eux à la télévision et qu'ils vont enfin sortir de cette insignifiance et de l'anonymat. Très ponctuellement, parce qu'ils savent très bien aussi qu'ils vont être condamnés. Mais ponctuellement, ils auront été les Ragons. Vous êtes fatigué maintenant ? Oui. C'est une fatigue qui repose. Je suis très près d'être folle, peut-être. Ou morte. Ou vivante. Qu'en pensez-vous? Vivante. Ah! Est-ce que je vous ai dit pour la tête où je l'ai mise? Non. Ah bon, je dois garder ce secret, je parle trop. On ne m'a jamais posé de questions avant aujourd'hui. Il faut me garder. Je suis dans la section des criminels de droit commun. Un avocat est venu et m'a dit que j'allais aller dans une maison où j'oublierais, je ne l'ai pas cru. Je me conduis très bien. Il y a quelque chose d'assez cocasse, c'est que, en fait, Diras dira ensuite qu'elle a déclassé en bourgeois, alors ça c'est au moment de la vente anglaise, les lannes, plutôt que de les reclasser. Et en fait, elle associe ce déclassement au fait que, précisément, à l'image de la bourgeoisie comme une classe sourde et muette. Or, précisément, la victime est sourde et muette. Mais c'est vrai que cette dimension de la petite bourgeoisie française, l'amant de Cahors, donc dans la province, est assez valorisée dans la pièce. Elle dit que le mari ne s'est jamais réveillé. Elle dit « mon mari, enfin Pierre Lanne, donc, ne s'est jamais réveillé ». Réveillé de quoi? Réveillé sans doute de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, de la province, de tout ce qui l'empêche de voir tout autour de lui. Donc c'est quelque chose de présent, de même que dans le square il y a une dimension politique évidente, avec la petite bonne déclassée, le voyageur de commerce, mais en même temps il faut toujours faire attention de ne pas trop survaloriser, je pense, ces éléments-là, au risque de faire rentrer l'œuvre dans une catégorie toute faite. Ça serait donc du coup le drame de la société, des déclassés, des petits provinciaux, des bourgeois, etc., des petits bourgeois, alors qu'en fait, nous portons tous en nous cette part-là. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Nous sommes tous des Claire Lanne, nous sommes tous des Pierre Lanne, nous sommes tous des interrogateurs, et c'est beaucoup plus intéressant, je crois aussi, d'avoir ce cheminement-là, plutôt que de dire « ah oui, c'est simplement telle catégorie sociale », ou simplement une folle d'ailleurs, de la ranger juste dans la catégorie folle, ce qui ferait que nous, on serait tranquille, on n'aurait plus rien à voir avec elle. Vous ne dites plus rien. Maintenant, il faut que vous me disiez où est la tête. C'est pour en arriver à cette question que vous m'avez posé toutes les autres? Non. Si c'est le juge qui vous a demandé de me poser cette question, vous n'aurez qu'à lui dire que je n'ai pas répondu. Et puis la fille du couple Rabillou vient à la barre. Yvonne retrace avec émotion le supplice traversé par sa mère. Elle était très malheureuse, rapporte le journaliste du Nouvelliste valaisan. Mon père était d'une avarice sordide. Il ne consentait à prendre ses petits-enfants en pension que contre une forte rémunération. Amélie Rabillou s'avance à son tour, faisant face au président Dejean de la Bâtie. Mon mari était violent et avare. La vie n'était plus possible. J'ai décidé de le supprimer. Deux fois, il m'avait montré le marteau en me disant « Tu as la tête fragile, je t'en donnerai un coup et on ne s'en apercevra pas. » S'il ne m'avait pas menacé avec ce marteau, je n'aurais jamais pensé à m'en servir. La presse abonde. Amélie Rabillou était l'esclave du décapité de Savigny, titre France Soir. Le soir même, un verdict de clémence est prononcé à l'encontre d'Amélie Rabillou, condamnée à 5 années de réclusion et 50 000 francs de dommages et intérêts. L'avocat général avait lui réclamé les travaux forcés à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondrez-vous si je vous dis que c'est à l'asile psychiatrique de Versailles qu'ils vont me mettre? Je vous réponds oui. Je vous ai répondu. Alors c'est que je suis folle. Qu'est-ce que vous répondez si je vous demande si je suis folle? Je vous réponds aussi oui. Alors vous parlez à une folle? Oui. Alors pourquoi me demander où est la tête? Peut-être que je ne sais plus où je l'ai mise, que j'ai oublié l'endroit. Une indication, même vague, suffirait. Un mot, forêt, talus. Pourquoi? Pour le vivre. À vous? Oui. En souvenir? Oui. Non! Vous entendez? Oui. Je pense qu'il s'agit de, plutôt que de comprendre, il serait plus juste de dire d'entrer en relation avec la criminelle, c'est-à-dire d'épouser son cheminement mental, aussi sinueux soit-il, hein, en fait, et aussi peu cohérent soit-il. Bon, globalement, il y a quand même une cohérence, mais c'est décousu, disons. Il y a du décousu dans la cohérence. Et aussi, je pense que ça participe de cette volonté de faire du criminel un de nos proches. Cet accompagnement de sa parole, ou cette écoute de sa parole, dans ce qu'il peut avoir d'aléatoire, de sinueux, mais comme la nôtre, hein, d'une certaine façon, même si nous sommes normaux, ça participe d'une familiarité avec le criminel. On rentre dans une conscience, ou on essaye de rentrer dans une conscience. Et c'est toujours fascinant de rentrer dans une conscience. Alors, on en sort sans trop savoir ce qu'on a vu, et en étant parfois gêné de ce qu'on a pu voir. Et ce qu'on a pu voir, c'est peut-être ce qu'on a vu de nous-mêmes, d'ailleurs. Le criminel est fascinant, parce que finalement, il passe de l'autre côté, alors que nous, nous sommes bien sagement restés. Ce que d'ailleurs, je crois que c'est Brice Cyrulnik qui parle des normopathes, c'est aussi quelque chose que Régis cite souvent, nous sommes tous des normopathes, et le normopathe aussi est inquiétant, mais finalement peut-être moins riche que le « fou » entre guillemets, qui commet un acte irréparable. Ça aussi c'est important, je crois, le côté irréparable. Je crois que ça fascine beaucoup Duras. Une fois qu'on l'a fait, c'est fini. Sur le crime, je ne sais presque rien. On a dû vous prévenir. Pourquoi avez-vous fait ça ? De quoi parlez-vous ? Pourquoi l'avez-vous tué ? Si j'avais su le dire, vous ne seriez pas là à m'interroger. Pour le reste, je sais. Alors le reste ? Si je l'ai découpé en morceaux et que j'ai jeté ces morceaux dans des trains, c'est que c'était un moyen de la faire disparaître. Mettez-vous à ma place, quoi faire ? D'ailleurs, on dit que c'était pas mal trouvé. Elle a écrit un très beau texte qui s'appelle « Je cherche qui est cette femme ». Et je crois que ça suffit à tout dire. « Je cherche qui est cette femme ». Pour moi, ce n'est pas une folle. Ou plus précisément, toutes ces catégories-là l'enferment. Donc, ce qu'elle, elle veut, c'est ouvrir, au contraire. Donc, ce n'est pas simplement une folle, ce n'est pas simplement une criminelle, ce n'est pas simplement une petite bourgeoise, ce n'est pas simplement une provinciale, ce n'est pas simplement une femme, à la limite aussi. C'est tout cela à la fois et beaucoup plus. Et c'est nous-mêmes, spectateurs, qui découvrons qu'elle porte en elle plein de choses de notre propre mystère à nous. C'est une femme, une schizophrène moderne. Elle est atteinte de la schizophrénie moderne. C'est un crime qui ne rime à rien. Et qu'est-ce que vous pensez du fait de tuer même ? Rien, j'en pense rien. Ni mal, ni bien. Astre noir. Fin de la deuxième partie. Marguerite Duras et la folie d'Amélie Rabilloux. Avec Marie-Hélène Boblet et Arnaud Rickner. Extrait de La Monte anglaise de Marguerite Duras. Mise en scène de Marie-Louise Bischoff-Berger avec Ludmila Mikel et André Wims, 2009. Et des émissions Au cours de ces instants, 1967, et C'est pas dramatique, 1999. Archivina Stéphanie Place, documentaliste Anne-Lise Signoret, prise de son Mathieu Perrault, mixage Éric Boisset, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Delphine Lemaire. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous ferons la connaissance d'une si jolie petite fille. Mais c'est une autre histoire.